ce soit Danube ou Volga. Les feuilles mortes sur la Mariza, le fleuve est noir devant mes yeux. Dans ma mémoire, il était bleu. Cette petite fille sur la photo, premier amour, premier duo. Elle n'avait pas le même regard. Il était bleu dans ma mémoire. Le toit du Kilimandjaro et la montagne Eldorado, les jours heureux, les nuits barbares, ils étaient bleus dans ma mémoire. La croix sur la baie de Rio, les nuits gitanes de Bilbao, ce roman noir écrit à deux, dans ma mémoire, il était bleu. L'oiseau sacré, l'oiseau géant qui passait dans mon ciel d'enfant. Au fond du trou, les mains liées, la corde au cou. Quand il rêvait de la revoir, elle était bleue dans sa mémoire. Bateau prison, chargé d'ébène, champ de coton et chant de haine, chanson d'espoir, chanson d'adieu. La musique noire, elle était bleue. Le toit du Kilimandjaro et la montagne Eldorado, les jours heureux, ses dieux comme une...